aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le baje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie gives on. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Énergie, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que ça va en ce lundi 10 décembre, ouais, dans 14 jours, ce sera le réveillon de Noël, ouais, les vacances aussi hein, qui arrivent, ça c'est cool. On va écouter The Prince Karma dans la playlist Énergie, il y aura aussi Arena Grande, Sia, 3 cafés gourmands, ça c'est en plus sans pub, c'est cool, et puis c'est après le meilleur de Mickaël sur Énergie, 23h, 3h chaque nuit sur Énergie, Mickaël, et voici ce qui se passe dans l'émission, c'était semaine dernière ça, le jeu du partons pas fâché, avec Brice qui devait jouer la rupture, écoutez, c'était sur Énergie. On va faire le jeu du partons pas fâché maintenant, avec Brice qui est avec nous à Bordeaux. Salut Brice. Hello, salut. Hello, ça va? Hello. Oui, et vous? Bah oui, ça va très bien. Alors, sois le bienvenu. Nous allons jouer ensemble maintenant à ce grand et magnifique jeu qu'est le jeu du partons pas fâché. Pour jouer, c'est très simple. Il va falloir déjà que tu choisisses quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. Bon, et donc, du coup, tu veux jouer contre qui, Brice? Amina. Parfait, bon choix. Très bien. Eh bop. Et pour la peine, si elle perd, elle en prendra 5. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais c'est une blague. Le juge a décidé. Exactement. Le juge a dit la dictature. Le juge. Le vive. Bon, Brice, tu commences ou c'est Amina qui commence? Amina. Très bien. Je rappelle donc que le principe du jeu est simple. Tu vas devoir appeler quelqu'un au hasard et donc faire comme si c'était ton mec ou ta copine avec qui tu es en train de rompre. D'accord? Ok. Très bien. Allez hop, c'est parti. Mauvaise chance évidemment. Merci beaucoup. Puisses-tu perdre. T'inquiète, ça va aller. Allô? Allô? Oui. Ouais, je suis contente que tu décroches enfin. Ça fait un moment que je voulais te parler. Pardon? Ouais, il faut qu'on discute. C'est très grave ce qui se passe là. Tu sais très bien qui c'est. Tu sais qui c'est, on est d'accord. Là, tu fais semblant parce qu'il y a du monde autour de toi. Bon, écoute, je vais aller droit à l'essentiel. Ça fait un moment que je voulais qu'on en discute. Mais je sais qu'à chaque fois, tu esquives la discussion, mais ça peut plus durer, quoi. Tu vois, à un moment donné, je trouve que t'es parti un peu trop loin. Bam, 34 secondes.

she handles pain. That shit's amazing. She has loved and I lost. But that's not what I see. So look what I found. No need for searching. And all that I say, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'm so fucking grateful for my ex. Thank you, thank you, thank you. I'm so fucking. One day I'll walk down the aisle, hold the hands of my mama. I'll be thanking my dad, 'cause she grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Gonna make that shit last. God forbid something happens, at least this song is a smash. sur Énergie. Bonjour tout le monde, c'est Cédric. J'espère que tout va bien ce matin, une belle journée. J'espère que la semaine va bien se passer, que ce soit au taf, que ce soit en cours. Bon, écoutez, Sia sur Énergie, Big Flo et Oli qui arrivent aussi. Ils seront samedi en 21h sur Énergie. Bon, ils ont leur émission à la radio là sur Énergie, c'est cool. Big Flo et Oli dans la playlist Énergie. Et avant de le retrouver à 17h en fin d'après-midi, voici le meilleur de Koé sur Énergie. 17h-20h. C'est Koé sur Énergie. Ce week-end, c'est également l'un des plus gros week-ends de vente de sapins de Noël. Oui, ah oui. Ah oui, je c'est celui-là. Ce week-end, moi. Moi, je l'ai déjà acheté, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai déjà acheté. Alors, il y a ceux qui vont acheter les vrais sapins, les faux sapins. Voici la compile du sapin de Noël. Déjà, quand tu achètes un sapin de 2 mètres, mais que tu as une Twingo. Ça va le faire, yeah. Je vais tout donner toute l'année. Ah bah, c'est au moins ce qu'il faut. Yeah. Allez, pousse. Je vais tout donner toute l'année. Quand tu habites à 200 mètres carrés mais que tu as acheté un tout petit sapin de voiture. Il y a également la chanson des adeptes, un peu comme moi, je ne vous le cache pas, des faux sapins. Non, c'est vrai, c'est pas mal. Maintenant, ils en font des beaux quand même. Ça évite le truc tout péteux qui, ah ouais, qui deux mois, qui une semaine avant Noël va vers le bas. Ouais. Avec chaque sans épines. Ouais, c'est ouais, ça. Et puis c'est les chier, épines ouais. Par terre, ça me rappelle quand je perdais mes cheveux, ça me déprime. Il y a également la chanson pour cette branche du fond. Tu sais, celle que tu voulais absolument décorer, mais qui t'a mis une épine sous l'ongle. Oh, t'allais tout donner, mais fallait pas la laisser te piquer. Également la chanson quand t'as placé ton sapin un peu trop près de la cheminée. Également la chanson pour celui qui n'a pas vérifié la guirlande électrique avant de la brancher. C'est l'histoire d'un et la chanson quand tu vois que ton sapin est en train de mourir, on en parlait avant le 25 décembre. Ouais, tu peux faire ce que tu veux, ça va pas le redresser. C'est Koé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Big Flo et Oli, tu connais, non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir, on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah, tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête, mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Dit, t'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes, allez sors de ma vie. De toute façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'attends un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. plus à rien, rien, rien, rien. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde. David Guetta, Bibi Rexha, Jane, ça arrive dans la playlist Énergie. Puis bah, le meilleur de Mickaël aussi, hein. C'est à 23h de nouveau ce soir pour vous en direct sur Énergie. Avec Goran qui cherche du taf et il a passé une petite annonce dans l'émission, écoutez. Goran ou Goran, comment on dit Goran. Goran, salut Goran. Ouais, salut. Ah putain, j'ai cru que tu étais endormi aussi. Ah, si tout le monde roupille, on est pas dans la merde. Non. Eh ben, salut Goran. Alors, t'as 43 ans, t'appelles de Bayonne. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah ben non, comme tu dis, quand j'ai appelé, voilà. Je vais rien de l'état. Moi, voilà, je suis SDF, je me plains pas comme je suis bien. Après, je vais rien trouver des petits boulots. D'accord, mais attends, mais t'es SDF depuis combien de temps? Bah, ça fait, c'est un peu compliqué quoi, c'est rentré dans l'histoire, on m'a volé les papiers, il faut que je refasse mon passeport et tout. Il faut que j'aille à Paris, pour l'instant voilà, je suis bloqué. Attends, mais t'es croate, bosniaque? Non, serbe. Serbe. Ah d'accord. Excuse-moi, okay. Pardon. Ok. Je vous écoute tous les soirs, voilà, franchement vous êtes bien, restez quand vous êtes. Bah c'est gentil. Dobar dan. Dobar dan, ouais. Dobar dan, ouais, c'est ça, ouais. Dobar dan, on dit. Oui, c'est ça. Oui. Et Dobrovet. Et ou quoi? Dobrovec. Dobrovec. Dobrovec. Ça veut dire bonsoir. D'accord. Dobrovec. Dobrovec. Dobrovec. Très bien. Bon, et donc du coup, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi alors? Bah franchement, voilà quoi. Moi, je me plains pas de ma situation, voilà. Comme on dit, on a tous nos galères. Oui, c'est sûr. Il faut l'accepter, voilà. Je me plains pas, voilà. Moi, je l'accepte. Je l'ai pas choisi non plus. Mais après, ouais, s'il y a des gens qui sont côté Bayonne, tout ça, dans 64, s'il y a... On propose des petits boulots, moi, il n'y a pas de souci. Mais tu fais quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu peux proposer comme service, entre guillemets? Liquidation, peinture, élimination... carrelage, tout ce qui est bricolage, voilà. Je travaille dans le bâtiment, tout. Manuel, quoi. Nettoyage, ouais, tu touches un peu à tout, quoi. Je prends tous les boulots. D'accord, donc tu touches un peu à tout? À tout, je touche à tout. L'État, franchement, au moins, on ne peut pas me dire je gratte l'État, je suis pas le genre à gratter l'État. Je me dis, j'ai survie. Je le gagne moi-même, voilà. Non mais c'est bien, c'est ouais, bien, bon, c'est bien. Après, faut pas hésiter, enfin tu vois, quand t'as le droit d'avoir ouais, des aides, etc., il y a pas mal, de honte. Même là, ce que je fais, c'est fort. Pour moi, franchement, c'est fort. Non mais Amina disait que si t'as le droit d'avoir des aides. En fait, le truc c'est que les aides sont là pour les gens qui sont en galère, ah en bah, vraie là, galère. En non mais justement, je voilà, sais. C'est exactement ça. Mais après, il faut pas. Mon passeport. De quoi, Goran? Dès que je refais mon passeport, là, je dois avoir la semaine prochaine le secours catholique qui doit m'aider et tout. D'accord. Normalement, j'ai depuis janvier la dernière fois où je touchais, donc ils me doivent rappeler la CAF quoi. Bah depuis 5 février jusqu'à maintenant, donc ah bah d'accord. Calcul, j'ai évité, hein. Ouais. Mais franchement, je m'en fous de ça, quoi. Moi, je m'en fous, moi. Quand j'étais à Bayonne, je suis arrivé, c'est le sous-préfet qui m'a aidé. D'accord. Il m'a demandé comment vous faites pour survivre. Je fais du black, il m'a dit. C'est mieux que de voler des vieilles, il m'a dit. C'est une manière de voir c'est les choses, clairement. C'est interdit. Oui, mais enfin bon. Et je lui ai pas caché, quoi. C'est pour ça que je lance l'appel. Moi, je vais du boulot. On me donne du boulot. Je préfère bosser, franchement. Mais c'est mieux que tu fasses du black que tu vois, que tu voles quelqu'un, quoi. Non, mais non, c'est mais vrai, bien sûr, oui, bien c'est sûr. Interdit, mais c'est, non, c'est plus honnête que de tuer des gens. Tu grattes l'État, tu vides l'État. J'aime bien. En moi, je gagne mon argent. Mais il n'y a pas de honte à avoir. Enfin, tu vois, t'as cotisé. Enfin, tout le monde cotise à un moment donné pour aller toucher le jour où t'es dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Là, si t'es en galère, il n'y a pas de problème à ça. J'ai pas honte, moi, je paye pour toi, si tu veux. Moi, j'ai honte, oui. Non, moi, moi je trouve qu'il n'y a pas de honte. Non, clairement pas. Après, t'as ceux qui profitent du système qui, quand ils vont mieux, continuent à en profiter. Ah, et ça, par contre, c'est pas. Moi, je préfère bosser en black, comme je l'avais dit au préfet ici à Bayonne, que. Ah, j'irais pas gratter. Moi, je préfère bosser, me dire, voilà, je bosse, je gagne mon argent. Non, mais après, mais c'est bien. Bon, en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé par Goran, là, qui est à Bayonne, si jamais, voilà, s'il y a un peu de taf. Bah y a pas de souci. Oui, bah, écoute, des jardins à tailler, des trucs comme ouais, ça. Bah le message est passé. Ah oui, le message est passé, bien, Goran. Le message est passé. Bon courage à toi en tout cas. Ah merci à vous, franchement, continuez comme ça. Bah c'est gentil. À bientôt, bisous, Goran. Bisous, courage. Vous me faites sourire tous les soirs. C'est gentil. Salut à toi, Goran. Ah, bah, à bientôt. Bon bah courage en tout cas. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? If you love me,

C'est Coé sur Énergie. Il y a des applis pour tout. Oui. Il y a des applis pour scanner ce que vous mangez. Il y a des applis pour tout, pour trouver quelqu'un, pour dégager quelqu'un. Pour faire la cuisine. Mais bien maintenant, il y a des applis qui remplacent les vibromasseurs. Il n'y a pas d'autre mot, les sextoys. Le principe est simple. Si vous cherchez bien dans l'Apple Store, vous allez en trouver différentes. Alors, je vais peut-être pas. Oh, ça s'appelle Woman Feel Love, voilà. D'accord. C'est fait pour faire vibrer votre smartphone. Il y en a une qui s'appelle Massager Vibration App, qui a été conçue pour procurer un massage vibrant aux femmes. Ils disent qu'en parallèle, l'appli peut être utilisée aussi pour vous apaiser avant de dormir. Évidemment, pour toutes celles qui ont envie de se masser les joues avant de dormir, bien sûr. Bien sûr. Donc, en gros, les filles, si vous avez un iPhone, je vous le dis, vous pouvez télécharger ces trucs-là. Il paraît que vous avez le programme. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, mais ton téléphone, tu le mets où ? Bah, t'as compris où tu le mets. Enfin, voilà, c'est là. Tu peux pas faire Mais tu le laisses pas sur la table de nuit, ça n'a aucun intérêt. Toute la nuit, tu vas entendre. Tu fais pas ça avec ton téléphone. Eh bah, si, ça possible. Sert à ça. Et il paraît que ça fait des trucs différents. Je fais... Voilà, ça fait ça. Tu fais super bien l'iPhone. C'est pas moi. C'est pas lui. C'est moi, Coco. Qui le fait ? Ah, c'est un son. Mais... J'ai cru que c'était Miko qui le faisait avec le nez. Quelle imitation du nez. Mais mec, t'imagines ? Salut, je suis imitateur. Je vais vous faire l'iPhone. Saisissant. Ah, c'est fantastique. Bon, par contre, les filles, justement, si vous avez un iPhone, j'espère que vous arrivez à prendre du plaisir rapidement, parce qu'avec la batterie que vous avez, il y en a pour 3 minutes. Tiens, puisqu'on est dans la technologie, les mots de passe qu'il ne faut jamais mettre, parce que ce sont les mots de passe les plus hackés. Il y en a 10, ça va aller très très vite, mini classement. Numéro 1, le très célèbre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numéro 2, password. Il y en a qui font ça. Les mecs, ils mettent pas, on demande password, ils mettent password. En 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En 4, I love you. En 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En 6, Star Wars. En 7, le mien. Genre, ah. Le mot de passe, le mien. Mien. Ah ouais. En 8, ta gueule. Il paraît que celui-là, beaucoup de gens mettent ta gueule. En 9, football. Et ouais. En 10, pour ceux qui ont des petits chiffres, 1664. Voilà. Faites comme moi, c'est pas compliqué. Moi, j'ai mis la date de naissance de mon fils. C'est le. Et voilà, j'ai oublié. J'aurais dû mettre son prénom. Plus facile parce que. C'est Coé. C'est à 17h. C'est sur Énergie. Et en podcast sur énergie.fr. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y passer. Penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh ni d'éternel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. De la hauteur, ceci n'est pas un au revoir, alors je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe.

bitches and we kissing in a way. Kissing, kissing in a way. Kissing, kissing in a way. I need that black card in the code to the safe. Code to the safe. Code, code to the safe. Safe. I show them how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your net, net, net worth? Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. I got a new boy and a nigga Trey. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I'm. Vous êtes sur Energy, bonjour tout le monde, bon réveil, j'espère que tout va bien ce matin, on va écouter Offenbach là dans la playlist Energy. Ouais, vos hits préférés dès le réveil, parce que visiblement écouter de la musique ça met de bonne humeur. Gagner de l'argent, ça le fait aussi, hein. 7h05, 8h05, Manu double votre salaire, dont 6-9 sur Energy. Ce sera tout à l'heure en direct, inscrivez-vous à energy.fr. En attendant, avant de le retrouver en direct dès 6h, voici le meilleur de Manu dans 6-9 sur Energy. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Des gens improbables qui font des choses improbables, ça s'appelle les concours du jour. Yes. Attention, nous vous allons faire un grand tour du monde. On démarre par le Nigeria. Mmh. Au Nigeria, une rumeur a annoncé que le président du pays était décédé. Oh. Il a alors pris la parole pour dire « Non, non, regardez, c'est une fake news, je suis là et je suis bien vivant. Ouais. » Sauf que les opposants politiques du président ont dit « Non, on ne vous croit pas, vous êtes un clone. » Non. Le président est mort, vous avez fabriqué un clone, vous n'êtes pas le vrai président. Mais ils vivent dans un film de science-fiction, ces gens. Un peu. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le président, du coup, il a dû refaire une allocution en disant non, je ne suis pas un clone. Oh là là. Je suis le président. On est finalement pas si mal en France. Hein, non, mais voilà. Politique, hein. C'est ça. On attend la suite maintenant. Ouais, ça peut durer des années. Hein. Au Canada, la police enquête sur un cambrioleur qui ne vole que le contenu des boîtes aux lettres des gens. Ouais. Que ça. Ouais. Et elle réussit, grâce à des témoignages, à établir un portrait robot et à le diffuser sur Facebook. Et là, sous la photo, premier commentaire, le voleur. Ouais. Qui dit « Haha, vous ne m'aurez jamais !» Mais non. Sauf que le mec, il publie avec quoi? Son compte Facebook. Il y a son nom, il y a son prénom. Non. Ah non. Okay. Parfait. Voilà. Oh non. Et du coup, vous ne m'aurez jamais. Si, si. Ouais. L'affaire est réglée. Dernier concours du jour. Aux États-Unis, dans un magasin de musique, un homme tente de voler un instrument en le cachant dans son pantalon. Ouais. Mais il n'a jamais réussi à franchir la porte du magasin. Il s'est fait griller direct parce que l'instrument qu'il avait mis dans son pantalon, c'était une guitare. Ah oui. Voilà, c'est que le mec était quand même un peu optimiste. Ouais. Un peu prétentieux aussi. Aussi, un petit peu. Voilà. Prochaine étape, le piano. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. I want you to be my number. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, b from you. You take the shots as if you're bulletproof. You mention something but I'm one for two. Oh honey, I do everything for you. Everything for you. Énergie, c'est Cédric, ouais, c'est un petit peu dur ce matin, mais bon, j'ai bien vérifié, on est bien lundi. Énergie. Ouais, désolé. On démarre avec les béliers, vous séduisez aujourd'hui, c'est tant mieux. Les taureaux, vous avancez à pas feutrés sur vos objectifs. Les gémeaux, Mercure et Neptune floutent votre horizon. Les cancers, votre lucidité est un atout. Les lions, aujourd'hui, vous avez la bougeotte. Quant aux vierges, mieux vaut adopter une attitude discrète. Les balances, vos idées sont tendance. Quant aux scorpions, ce lundi vous met en tête de liste sur une petite prime. Les sagittaires, glissade assurée si vous dites n'importe quoi.

tout frais dans la playlist Énergie. Marnik et Smack. Cédric sur Énergie. Bon réveil, on est lundi. Alors quoi que vous fassiez ce matin, que vous soyez encore au lit, sous la douche ou en train de partir au boulot, tout à l'heure en direct chez Manu dans 6-9 sur Énergie, vous allez peut-être entendre la playlist Supreme Énergie, soit Angèle, Marshmello, Big Flo, Oli, Marnik et Smack et 3 cafés gourmands. Le tout à la suite. Si c'est le cas, vous appelez Énergie 3937. Vous allez gagner la somme complètement folle de 50 000 euros. C'est ouf, hein. Ça se passe ici sur Énergie. Soyez là. D'ici là, Aya Nakamura dans la playlist Énergie. Et avant de le retrouver en direct, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9. Manu et tous ses wawas. Manu et tous ses wawas. Soyez Noël avec Énergie. Voici le centre de plainte des femmes. On va s'en prendre plein la tête. Ouais, c'est le concept. 0870-42-48. Vous pouvez nous appeler. Vous avez des choses à nous reprocher. Eh ben on y va. Allez, Isabelle, vas-y. Après le petit-déj, s'il vous plaît, rangez le beurre dans le frigo. C'est possible ou pas, Manu, ça? Alors, c'est possible. Ouais. Maintenant, s'il est bien dressé, il doit pouvoir y retourner tout seul. J'imagine. Et on ne sait pas si quelqu'un en veut après, quoi, tu vois. Mais si, on sait, on voit bien qu'on est le dernier quand on est le dernier à prendre le petit-déj. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vie que de vouloir prendre du beurre, le sortir du frigo, il est tellement dur qu'on peut pas l'étaler. Mais oui. Ouais, c'est vrai. Alors que s'il est déjà dehors, il est tout mou. Et là, fla. Non mais tu observes autour de toi, tu dis ok, tout le monde a petit déj, ok, je range le beurre. Tu vois, c'est simple en fait, hein. Ouais. Tout simplement. Ouais, mais c'est pour ça que je pars avant que tout le monde ait fini. Voilà. Yael, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les wawas. Bienvenue sur Énergie, bienvenue dans le centre de plainte des femmes. Nous sommes là pour vous, vas-y, mets-nous en plein la gueule. Alors moi, c'est plus une question. Pourquoi est-ce que vous mettez toujours la main dans votre pantalon? Alors, probablement pour avoir chaud aux mains, mais les poches, c'est pas mal aussi, non? Ah, ah. Ah, les poches, c'est moins confortable qu'un bon survêt, pour être très honnête. Ouais, puis il y a un aspect vérification aussi, quoi. Ouais, ouais, pour être, pour se rassurer, c'est inné moi, chez nous. Alors moi, ça m'est, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé de vérifier. De... Oh, ça va. Je, après, glandu, si t'as des problèmes et t'as peur qu'elle s'en aille. On sait jamais. On sait jamais. C'est ton souci. Hein. Mais vous vous souciez pas de l'image que ça donne de vous? Est-ce que vous avez un recul sur vous-même, avec vos mains comme ça dans le pantalon? Oh, alors franchement non. Non, vous dites pas ça. Parce que du coup c'est pas tout le temps, enfin c'est pas tout le temps à la maison que ça arrive. Hein. On l'a jamais fait dans le studio. Ça arrive rarement, genre un entretien d'embauche, tu vois, qu'on mette la main dans le pantalon. Ça dépend. Si le mec le fait en premier, tu te dis bon. Le combat, c'est une tradition. Merci de nous avoir appelé, Gaëlle. Belle journée à toi. Priscilla, bonjour. Salut Manu. Franchement les mecs, arrêtez de nous proposer de nous aider une fois que tout est fini, le ménage, le repas. Après la guerre, ça sert plus à rien. Ah ouais. Ah ouais. Mais carrément, Priscilla, c'est tellement dingue ça. Quoi? On est épuisés, on n'en peut plus, on a tout fait, vous arrivez comme des fleurs. Alors, je peux t'aider? Regarde autour de toi, mon petit chéri, tout est fait, ça y est, c'est fini. Eh ben, bravo. Ouais. C'est dégueulasse. Oh non, Manu, la mauvaise foi. Encore une fois, t'as été meilleure que moi. Encore une fois, chérie. Encore une fois, chérie, tu es la plus rapide. C'est incroyable. Oh, je suis vilain. On sent des années d'expérience, Manu. Trop, hein, trop. Merci. J'ai une mauvaise foi. Oui. C'est le concept. On t'embrasse fort, Priscilla. Belle journée à toi. Salut. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'suis pas tout plan bête à ma télé fessée. J'réponds à tes appels, tu crois que j'vais la fesser? Moi j'm'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, j'suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, j'suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines, oh mes copines. J'veux que bon. Without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out, a world without the peace, facing a bit of the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it. I can taste it, the end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it! Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. Bonjour tout le monde, on est lundi, on se fait un petit point météo. Énergie, météo. Alors quelques nuages et parfois des averses en Alsace, en Lorraine et en Franche-Comté ce matin. Sinon, bah, c'est bien, beaucoup de soleil, les températures 7 à 15 degrés. Cet après-midi, ce sera pluvieux dans le Grand Est et du soleil partout ailleurs. Les températures 7 à Strasbourg, Metz, Dijon, Lille, Lyon et Clermont. Il y aura 11 à Paris, Brest, Nantes, Bordeaux et Toulouse. 13 degrés à Montpellier, Nice et Marseille. Un bon réveil avec nous sur Énergie. Menu dans 6-9 sur Énergie en direct à 6h. Et là, c'est la playlist Énergie. Voici Kenny Silva. Bon réveil. It's a fine day. People open windows. They leave their houses just for a short walk. Just for a short walk. It's going to be a fine. Car j'ai ça dans l'ADN. Ah ouais, ah ouais. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffés, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Cédric sur Energy. Bon réveil tout le monde, on est lundi. Alors c'est vrai qu'entre les 50 000 euros à gagner dans la Pelli Supreme Energy qui peut passer chez Manu dans 6-9 sur Energy tout à l'heure, et Manu dans 6-9 sur Energy qui en plus double votre salaire à 7h05 et 8h05, vous risquez de passer un très bon lundi. Les salaires, inscrivez-vous energy.fr en attendant Taylor Swift et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Energy. Bon réveil. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9. Energy. Comme chaque jour, voici les sondages du matin. Yes. 64% des gens n'y prêteront pas du tout attention pendant le mois de décembre. À quoi une grande majorité des gens ne prêtera pas attention pendant le mois de décembre ? Comment ils sont habillés ? C'est pas ça. C'est par rapport à la météo ou pas du tout ? Rien à voir avec la météo. Ok. Ah ouais ? Ouais. Par rapport aux fêtes, c'est lié aux fêtes ? Oui, par rapport aux fêtes, c'est effectivement lié à ça. Ah. Leur compte en manque ? Alors non. Ah. À ce qu'ils mangent ? Alors c'est quasiment ça, parce qu'en fait 64% des gens ne prêteront pas attention pendant le mois de décembre à leur poids. Ah ouais, ouais, ça va avec. C'est, on arrive au mois de décembre, on dit ok, c'est perdu. Ouais, c'est perdu, ça. On va bouffer du chocolat, ouais. On va manger pendant les fêtes, on oublie. Bah, t'as le côté en plus nouvelle résolution qui arrive bientôt, là c'est au 1er janvier, donc voilà, tu dis allez, foutu pour foutu. Exactement. On et après, au 1er janvier, tu prends des bonnes résolutions, ouais. Le 4 janvier, tu les as oubliées. Ensuite, l'été arrive bien et tu fais l'été. Oh non, l'été, je vais pas me faire chier. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, et voilà. Deux hommes sur trois pensent qu'ils seraient capables de le faire en cas d'urgence. Je trouve ça assez incroyable. Glandu. Un massage cardiaque ? Non, c'est pas ça. C'est médical ou pas ? Non, c'est pas médical. Ah. Recoudre une fringue ? Non, non, non, on parle d'une urgence. Ah bah si ton pantalon il se dans la journée. Oui, mais tu vois là, c'est une urgence un peu d'un niveau au-dessus quand même. Ah d'accord. Oui, quand je te dirai de quoi il s'agit, tu diras oui, en fait le pantalon on s'en fout. Okay. Un arrêt au frein à main, si la voiture elle perd ses freins en dérapant. Non. Rentrer dans une maison en feu ? Non plus. Non. Deux hommes sur trois pensent qu'ils seraient capables de le faire en cas d'urgence, faire atterrir un avion. Waouh ! Mais non. Mais ben c'est sur ça énorme. C'est-à-dire que sur tout, nous trois là, on est trois mecs. Qui pense qu'en quelle urgence il serait capable de faire atterrir un avion quoi. Moi j'ai joué au jeu d'avion Flight Simulator quand j'étais petit. Ouais. Et je faisais atterrir des avions. Du coup, j'avais un manche et tout, je le faisais atterrir. Donc je pense, s'il est en vol et qu'il est. Je pense, je pourrais, me mettre à m'aligner. Alors tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, plus jamais je ne monte dans un avion avec toi. Parce que toi, tu serais le con qui peut dire non, mais je vais gérer. C'est comme ça, c'est comme des fois, on dit y a-t-il un médecin dans la salle ? Il y a un mec qui se lève, il n'est pas du tout médecin. Et ben voilà, c'est glandu. C'est ça. 15% des gens dépensent de l'argent chaque semaine dans ça, sans jamais le dire à leur partenaire. Il dépense de l'argent dans quoi chaque semaine? Les applications pour smartphone. Non, c'est pas ça. Non. La manicure. Non plus. Les cigarettes. Alors petite, ce n'est pas que les femmes. C'est d'accord. Non, c'est les hommes et les femmes. 15% des gens dépensent de l'argent chaque semaine dans ça, sans jamais le dire à leur partenaire. C'est pas la cigarette. Non, c'est pas non plus la cigarette. D'accord. Ça coûte moins de 10 euros? Ça coûte moins de 10 euros, oui, et ce n'est pas la cigarette, Glandu. Ouais. C'est un truc pour le corps ou pas? Non. Glandu, la cigarette? Non, ce n'est pas ça. 15% des gens dépensent de l'argent chaque semaine, sans le dire à leur partenaire, dans le loto. Ah, ouais. Oh non. Mais la vraie question, c'est pourquoi tu le dis pas à ton partenaire? Mais ouais. Bah, tu le dis que si tu gagnes. Ah non, tu le dis que si tu perds. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. I see I'm too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Mm-hmm. I go on too many dates. But I can't make them stay. At least that's what people say. Mm-hmm. But I keep cruising. Can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind. Saying it's gonna be alright. Cause the player's gonna play, play, play, play, play. And my haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, baby. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. On se renvoie la balle et tout redevient normal jusqu'à ce que tu tires, là où j'ai mal. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura mal. Bang, bang, bang. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura mal. Ce n'est jamais de ta faute. Stupidity is incredible. Try lock you up for your rage and staple. Bull be a stun like them name Carnival. Do your bad things that I feed them ego. Turn around, tell them I'm your real amigo. Bad problem, step on ta butt. Ce n'est jamais de ta faute. Ce n'est jamais de ma faute. Remballe ton ego. Ah oui, mais alors là, excusez-moi, enfin, sur le titre, là, normalement, il y a encore 4 secondes, ça défile. Ah ouais. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 8 secondes de blanc sur le titre. Oups. Donc, bah oui, une petite erreur. Là, est-ce que ça va pour toucher des droits en plus? Bah, je sais pas, mais bon. Hein, ils veulent qu'on mette qu'il y ait 8 secondes de blanc à la fin. Heureusement que j'étais là, prêt à les gagner à n'importe quel moment. Wow, bah ouais. Professionnel. Ah, le titre s'arrête et ça défile encore pendant 8 secondes. Ouais. Imaginez, vous mettez chez vous un CD. Oui, il y a encore des gens qui ont des CD. Et ça défile pendant 8 secondes. Ou sur votre playlist, vous êtes sur Deezer ou Spotify. Et ça défile pendant 8 secondes et il y a un blanc. Et là, vous êtes en soirée, c'est chaud et tout. Bah, ça casse tout. Bah, à l'école, t'appelles ça un travail bâclé. Hein. Je suis désolé. Exact. C'est quoi? Un peu mieux faire, mais ça c'est un C. Ah bah cette semaine je vais noter sévère, je vous l'annonce. Oh ouais. Il fait encore nuit, hein. Oui. Bah, le soleil va se lever vers 8h30 comme chaque jour. Et bah c'est pas grave, on est là déjà avec vous pour démarrer la journée. C'est Manu dans le 6-9, soyez les bienvenus, on démarre dans 4 minutes. Mais avant ça, c'est notre moment à nous, c'est le club du 5-5-5 à 5h55. Qu'est-ce qu'on se fait? On s'écoute un titre. Un titre qui va nous lancer la journée. Et aujourd'hui, c'est peut-être un titre qui va même nous lancer l'hiver. Ah oui, ah, cool. C'est peut-être le hit de cet hiver. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Ouais. C'est Nico. Là, tu me fais plaisir. Là, on démarre bien la semaine. Ah ouais. J'aurais voulu lire un message que Nico m'a envoyé ce week-end avec le lien vers la vidéo du titre qu'on va écouter. Ouais. Il m'a envoyé, ça c'est bon pour un 55, un 555. Le titre est sorti jeudi à minuit, il est sur le label de Booba, sur les teasings. Les gens pensaient que c'était Vianney. J'aime beaucoup, ça va faire un hit. Eh oui. Wow. Ah, je m'avance. Là, il s'est. Il s'est jeté. Ouais. J'ai fait, et pourquoi pas? Bah oui. Ouais. Alors n'oubliez pas, si le titre qu'on va écouter maintenant ne marche pas, ce sera de la faute de Nico. S'il cartonne, n'oubliez pas, c'est moi qui vous l'ai fait écouter en premier. Il s'appelle Dixon, le titre c'est En Vue. Et t'as raison. Ouais. T'as raison, Nico. Ah, je pense que ça va être un énorme hit. Allez. Mmh. C'est pour vous, c'est sur Énergie. La première fois que vous l'aurez écouté, à 5h57, c'est dans le club du 555 sur Énergie. Tu m'as dit, viens, faisons-le sans umbrella. Il pleut sur moi. Je suis venu, j'ai vu, j'ai fumé tous tes rêves. Sans allumer de cohiba. Ben, t'as harri du piège. Entre nous, ça n'a duré qu'un grain de sable. Est-ce que derrière tes larmes, tu vois à présent la vie en bleu turquoise? Mon cœur à la dérive. Je crois que j'ai perdu le cap. Je t'aime, tu m'aimes, on s'y m'aime. Jamais aimé, mais c'est pas grave. Jamais. Peux-tu lire entre les lignes? Si je ne te réponds plus, on ne se voit plus vraiment quand on se laisse en vue. En vue, en vue, ouais. Oh là là, oh là là. En vue, en vue, ouais. Oh là là, oh là là. Ce qui était n'est plus. Oh là là, oh là là. T'as vu, ouais. Oh là là, oh là là. Yeah. DS31 diesel, je connais très bien tes appels de phare. De gasoline, t'en allumes une autre, rien pour voir. T'as beau le faire vibrer toute la noche, mais je ne réponds pas. Boulevard des rendez-vous manqués, un jour on se retrouvera. Mon cœur à la dérive, je crois